Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux. Bon, on passe ça dans... Salut les accros, c'est Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer PQ. Marilune! On n'est pas encore habitué. Je pense qu'il va falloir que je vous donne des positions pour la prochaine fois. Mais c'est pas grave. Moi, je vais y aller à la fin, ok? Fait que les prochaines fois. Ok, mais... c'est correct, j'ai compris. Salut les accros, c'est le Big Ben. Bonjour et bienvenue à ce podcast des accros. L'édition du 8 avril 2013, spécial Nintendo 64. Oui, parce qu'on va en jaser un petit peu plus tard durant le podcast. Mais oui, on est tous de retour. Et la semaine passée, c'était pas un poisson d'avril. Et non, j'ai dû annuler le podcast dû à de l'épuisement. À avoir couru partout à manger du chocolat, ça m'a vraiment épuisé. Alors, je suis de retour, je suis en pleine forme avec la gang au complet pour votre podcast. Comment ça va, les gars? Et la fille? Ouais, ça va drainer, mais écoute, fidèle au poste pour le podcast. Moi, ça va, là. Hier, je suis allé faire mon épicerie et je n'ai pas pu résister quand j'ai vu ce gros panier de chocolat à 50% de rabais qui me criait « Achète-moi! Achète-moi! » Fait que c'est un peu répète. Acheter ben du chocolat. Et rétro? Ça va! Marilune, écoute-toi, comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va, la gang? Moi, ça va plutôt bien. Là, ça va bien. Je vous dis, cette semaine, ça a fait du bien. J'ai pris le temps de jouer à plusieurs jeux. J'ai pris le temps de voir des films. Ça a vraiment fait du bien. Ça m'a rechargé les batteries. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Je vais commencer avec PL. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Travail, mais prépare pour des vacances qui, j'espère, après 2 ans, si bol, je vais les avoir. Et t'as écouté quoi? Joué à quoi ces derniers temps? Oh, je suis dans un méga trip de Castlevania. Si ce n'est pas Mirror of Fate, c'est Lord of Shadows, l'original sur PlayStation 3. Sur mon smartphone, c'est encore Jaws. Tu sais, le requin qui. Tu sais, le requin de mon ami Willy. Oui, oh, oui, celui que j'imagine tellement manger le petit garçon pendant qu'il est en vol. Je vais te montrer ça au GeekFest samedi. D'accord, tu me montres ça. On va y aller avec Tester Alpha. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Pas mal la même chose qu'il y a 2 semaines. La job, les tests, les vidéos, puis... that's it. Et wow! Ouais. Et toi, Sylvain, qu'est-ce que tu fais de bon? Je ne joue plus à wow! Ok, tu es en cure de désintox, c'est ça que t'es en train de me dire? Bon, comme d'habitude, demander je perds intérêt pendant 6-7 mois, puis... Puis j'ai eu la chance de tester mon Monopoly World of Warcraft avec des amis. Comment ça s'est passé la game? Ça s'est bien passé parce que ça a duré au moins 4 heures. Donc. Mon dieu! Ouais, ça reste du Monopoly, on s'entend. Ouais, mais c'était le fun pareil. Ben c'était, oui. C'était, parce que c'était comme nouveau, puis à cause des cartes puis tout ça, c'est comme différent. Donc, Est-ce qu'il y a des changements de règles? Non, c'est les mêmes règles, c'est juste que c'est dans le setting de World of Warcraft. Monsieur. Ok, c'est pas comme Risk où dans Risk, lorsque t'as une nouvelle version du jeu, ben t'as des règlements qui viennent avec. Non, en tout cas. Puis j'ai joué à d'autres jeux là, puis je prépare d'autres vidéos, puis c'est ça. Là, de ce que j'écoute, la nouvelle série Teenage Mutant Ninja Turtles, j'écoute Transformers Prime, j'ai commencé Game of Thrones, puis c'est ça. Très intéressant. Marie, toi de ton côté? Pas grand chose au côté jeux vidéo, j'ai beaucoup de lectures par exemple. Je suis dans un trip de lecture depuis début janvier, je dirais. Hein? Ce qui va beaucoup m'influencer pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, vous avez eu un preview une semaine et demie de ça? À peu près, je pense. À peu près. Ça tarde à être tourné parce que je veux vraiment m'assurer que ce soit vraiment plus professionnel que je m'attendais à faire au début. Mais je me prépare beaucoup plus. Sinon, à part de ça, je joue pas tellement. À part en World of Warcraft, une fois de temps en temps. Ouais, ton personnage est rendu quand même à haut niveau quand même. C'est ça, mais je joue pas tous les jours, j'essaie de me modérer un peu. Sinon, j'ai recommencé à écouter quelque chose de très féfé, là. Je vous avais tout de suite Pretty Little Liars. Quoi? Pretty Little Liars. Ou Les Menteuses en version québécoise. Mais moi, j'ai la version originale, fait que c'est meilleur. Il n'y a pas de chiage de traduction, là, en tout cas. Puis c'est pas mal ça. Ça résume pas mal ma vie en dehors du train-train quotidien. Moi, de mon côté, je continue à jouer à WoW comme à l'habitude. Moi, je suis pas tombé malade comme Sylvain. Non, c'est correct. T'es en pleine cure de désintox, je comprends amplement. Sinon, à part ça, ben à part que j'ai reçu mon Nintendo 64, c'est pour ça que ça m'a sorti l'idée de jaser la 64. Ça faisait quasiment 2-3 ans que j'avais ma Nintendo 64 chez mon frère, puis j'avais pas pu jouer. Puis là, j'ai réussi à rapatrier toutes mes cassettes à moi. Fait que c'est dernier temps, j'ai eu un gros trip de jouer au 64 avec la plupart de mes jeux, dont Bad Fur Day, Conquer Bad Fur Day, j'ai joué à Star Wars. J'ai joué à beaucoup de jeux 64. Sinon, à part ça, j'ai fini Mass Effect le premier sur PlayStation 1 3. Mm. Je suis vraiment content. C'est tellement un bon jeu, là. C'est un must à avoir. Et sinon, à part ça, mes parents m'ont découvert une cassette que j'avais perdue chez nous, chez mes parents. C'était une cassette de Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy Advance. Je me suis mis à jouer à ça. Nowhere. On you. Quoi? Quand j'ai acheté la cassette, c'était dans le temps où il venait de sortir le nouveau jeu de Yu-Gi-Oh! Où c'était des statuettes. Puis c'est le jeu de statuettes. Puis c'est un petit peu comme un RPG tactique, un petit peu comme Fire Emblem. Puis c'est pas si pire pareil. Mm-hmm. Je vais peut-être en faire une critique quand même. C'est dans mes plans. Sérieusement, ça fait bizarre de retrouver une cassette de même, mais c'est vraiment cool. Puis mes parents m'ont retrouvé ma cassette de Super Mario Land en plus. Fait que je passe du temps à jouer à ça. Ah. C'est très fun. C'est un excellent jeu de GBA. Mm-hmm. Alors, sinon, à part ça, je pense que c'est tout pour ce qui est de notre côté. J'ai pas manqué personne. Non. Non. Est-ce qu'on a des commentaires sur Twitter ou sur YouTube, mes amis? Pas pour l'instant, à part Kevin DP qui nous dit bon podcast. Alors, merci à toi de nous être avec nous, Kevin. Merci, Kevin. Côté YouTube, j'ai une question pour Antithèse. Oh mon dieu. Est-ce que tu avais, de la part de Philippe, est-ce que tu avais pensé de Captain N à propos de Léon Belmont dans Castlevania? Quelle belle manière de détruire un héros. Lui, je pense qu'il veut plus dire Simon Belmont. Si on parle de Captain N, de la série, bien, série animée des années 90 Captain, ça fait par Dick. C'est Simon Belmont, qui ont vraiment fait n'importe quoi avec, pour ne pas dire qu'ils ont été restés avec d'autres personnages, mais ça c'est notre paire de manches. En fait, c'est quoi le contexte de la question? Parce que je me dis qu'il l'a mal formulé, ça se peut-tu? Est-ce que je vais voir ma question? En fait, je te la lis comme telle, en fait. Parce que probablement ok. Je pense que je comprends un petit peu plus la question, ça sera pas... C'est que Captain N, je sais pas si tu te souviens de la série des années 80? My god... Captain N, The Game Master. Le gars qui joue à Punch Out pis qui se retrouve dans l'écran. Il se demande, qu'est-ce que tu penses de le Simon Belmont de cette série-là? Oh, c'est un douchebag. Total. C'est un douchebag, ça a tellement détruit le personnage, là, j'ai comme... Il est pas intéressant. C'est comme le Mega Man couleur vomi là-dedans, lui. Oh seigneur, oui, mais hein. Ouais, pis qui a fumé comme 30 cartons de cigarettes avant d'enregistrer, là. Ça, c'est comme... Ouais, mais ça, c'est... ça, c'est une joke de CE, pis elle est encore bonne et révélant aujourd'hui. Ouais, mon miroir! Je suis rien sans mon miroir! C'est quasiment ça. Si vous voulez avoir une belle imitation, j'espère vous avoir traumatisé les accros sur Simon Belmont de Captain N, ça ressemblait pas mal à ça. Il était habillé en pilote des années 40 aussi. Ah, c'est un pilote, je te dirais que son menton, à sa habillement dans cette série-là, faisait compétition à Quagmire de Family Guy. C'est juste qu'à la différence que Quagmire, lui, au moins, il est hot. Mm-hmm. En passant, un petit salut à notre collègue Paraplé Geek. C'est Dial. Félicitations. Hey, tu nous écoutes très tard en France. Fait que c'est cool qu'on a un de nos cousins qui nous écoute. Il est 2h du matin pour lui quand même, là. Il est vraiment cool. Fait que, ben, salut. Puis sinon, pas ça, ben écoute, Philippe Saint-Jean, tu me demandes qu'est-ce qu'on pense de l'anime de Captain N. C'est de la merde. C'est totalement de la merde, point. Ben, comme beaucoup d'affaires dans ces années-là, hein, c'est... Alors, que aujourd'hui, avec un œil d'adulte, tu dis, ouais, je mets du bon. Hein. C'est budgé. C'est pas testé. C'est bien budgé. Ouais. Fait que là-dessus, je pense qu'on va commencer avec nos nouvelles. Tout d'abord, première grande nouvelle pour les accros, parce que la semaine passée, on n'a pas pu vous l'annoncer. Mais là, on vous l'annonce officiellement dans ce podcast-ci. Les accros des jeux vont être présents au GeekFest, mais en plus, ils vont avoir leur propre conférence. Oui. Alors, pour le moment, il y a moi, Marie-Lune, Antithèse, Testeur Alpha et peut-être Reviewer CE qui vont être présents lors de ce panel-là. Ce qui va avoir de l'air un petit peu, ce panel-là, je vous dirais que ce sera un petit peu comme un podcast qu'on fait, mais on va en même temps essayer d'interagir avec vous autres. Donc, lorsqu'on va sortir les questions, quoi que ce soit, vous allez pouvoir nous les poser ou bien tout simplement ajouter votre point là-dessus. Puis, ça va être vraiment interactif. C'est sûr que c'est une heure, fait qu'on va... condenser ça le plus possible, mais ça va être vraiment cool. Si vous avez la chance de vous déplacer au GeekFest cette année, je peux vous donner des informations par rapport au GeekFest. Ça a lieu à l'Hôtel Expresso, qui est au 1005 rue Guy, qui est au métro Lucien Lallier et Guy Concordia. Ça se passe samedi. Si vous achetez vos billets right now, OK, sur le site internet, c'est 12$ à place de 15 à pas. Ça ouvre à 10h. Puis nous autres, notre moment, nous autres, ça se passe de 16h à 17h dans la salle Saint-François, où ça va être notre présentation finalement. Allez-y, venez nous voir. Si jamais vous voulez avoir le premier autographe officiel de Testeur Alpha, c'est là. Si jamais ça vous tente d'en avoir un. Ou sinon, si jamais vous voulez en avoir... Hein? De toute la gang, pas juste le mien. Oui, ben ouais, oui. C'est... Puis, moi et Ben, franchement. Là. On est tous là. Tabarnak. Sauf toi, Sylvain, sauf là. Moi. Ouais. Hein? Gars de Québec. Hein? Mais la bombe, c'est le préféré. T'es jaloux. Jaloux. C'est vrai, t'as un maire. Moi, j'en ai pas un. C'est vrai. Mais bon, c'est si j'attends de vous d'avoir une signature de nous autres et des câlins, parce que vous savez tout, Antithèse, c'est celui qui... aime donner les câlins le plus. Moi, ça! Je pensais que c'était rétro. Non. Non, c'est pas moi, là. Non, c'est toi, rétro. Non, moi, je donne pas de câlins, sauf aux filles. Je t'ai vu au Comic-Con. J'en donne aux filles, mais pas aux gars. Il est tout rouge. Ah, il est tout rouge. Fait que si vous voulez des cadets ou des poignées de main, ben, c'est le meilleur moment de nous rencontrer. Fait que on va être disponible pour vous autres. Si jamais vous vous arrêtez, venez nous dire bonjour. On va vous saluer. On va vous faire ben oui, des autographes. La patente, on n'est pas sauvage. On n'est vraiment pas sauvage. Puis y a on ne saura pas. On se souvient encore de Kevin qui est descendu nous voir à l'Otakuton il y a 2 ans. C'est la première personne qui est vraiment venue nous dire salut. Puis il est descendu de Trois-Rivières pour nous autres. C'est vraiment cool. Fait que, venez nous voir, on va être présents, puis on va avoir du fun. Puis, c'est ça. Si jamais ça vous tente de venir nous voir, samedi, le GeekFest, c'est le moment. Puis pour répondre aux questions, il va sûrement y avoir une vidéo de fait, parce qu'on me demande s'il va y avoir des souvenirs, photos, vidéos, tout ça qui vont être pris là-bas. Oui, il va y avoir une vidéo de fait. On promet pas de quand ça va être en ligne, par exemple. Mais oui, moi j'apporte ma caméra de vlog, c'est sûr et certain en tout cas. Je sais que Big Ben va apporter sa caméra aussi. Donc sûrement qu'il va avoir des souvenirs quelque part là. Puis, Big Ben, on me demande, c'est quoi le Geekfest en gros? Le Geekfest, c'est un festival qui a. C'est la troisième édition. Auparavant, c'était organisé par. C'était une gang qui ont décidé de faire un festival où le thème général est geek, mais qui entoure tout ce qui est geek. Donc, vous pouvez être un geek de jeu, un geek de film, un geek de série de télé. Vous pouvez être n'importe quelle sorte de geek. C'est votre place parce que vous allez tout trouver là-bas. Ce que j'aime de ce festival-là, c'est qu'il est un peu plus petit que les Comic-Con et Otakuton. Ça commence bien l'année de pouvoir aller à ce festival-là parce qu'on se prépare, on peut voir les petits commerçants, les personnes qui vont avoir leur table, comme Tester Alpha. Tester Alpha, il a sa propre table, vous allez pouvoir aller le rencontrer. Et ça vous permet d'aller, finalement, de faire le premier come-together de l'été. Ça commence super bien. Excusez-moi pour le ski de l'année. Et c'est ça, vous allez trouver plein de conférences, soit sur vous allez avoir des tournois de Magic, vous allez revoir des conférences si vous voulez apprendre le Klingon. vous connaissez J.P. Cardin, c'est un triple Star Trek, alors c'est sûr qu'il va vous le montrer. Sinon, il y a pas ça, il y a plein d'autres affaires. L'Otaku Lounge, nos amis de l'Otaku Lounge vont être présents, donner un cours avant nous autres. Qui vont nous parler un petit peu des mangas. Si vous aimez le manga, vous allez pouvoir aller là. Si vous aimez les steampunks, si vous voulez aller voir les Ghostbusters de Montréal, ils sont là. Sérieusement, ça va avoir du fun. Il y a beaucoup de choses. Il y a du pixel art aussi qui va avoir lieu, je pense, à du midi dans une salle quelque part. Ouais. C'est un de nos collègues, Giz, de Machimina, je pense. Machimina, qui est francophone. Oui. Qui fait cet atelier-là, fait que ça peut être d'aller le voir aussi, il n'y a pas de problème. C'est sur l'heure du midi, fait que ça contrevient pas à notre panel à nous autres. Donc, mais c'est une belle aventure aussi. Je l'ai faite, moi, le pixel art au dernier Geek Fest, puis j'ai bien aimé ça, c'est très relaxant. Oui. Puis en passant, Jérusie, si jamais ça te tente, tu peux écrire des messages dans le groupe du Geekfest. Il y a des gens qui offrent de faire, par exemple, t'es de Québec, tu veux descendre à Montréal, il y a du monde qui font des lifts. Si jamais t'es pas trop heureux, c'est le meilleur. C'est le meilleur moment pour descendre. Tu peux descendre avec eux autres. Ils font des lifts. Fait que, bon, fait qu'on va y aller parce que là, en ce moment, notre rétro gamer PQ s'ennuie et joue avec sa Wii U. Non, je joue avec ma tablette. Ah, ok, je pensais que tu jouais avec ta Wii U. Je joue avec un jouet, c'est ça l'important. Ouais. Alors, première nouvelle, j'ai vu ça tantôt en arrivant. Mickey Castle Illusion va s'en venir en téléchargement. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là qui était sorti sur Sega. Oui. Il était pas sur SNES aussi? Non, parce que c'est Sega qui le faisait celui-là. Ah, c'est vrai. C'est la version Sega qui va apparaître. On sait pas si ça va être une version remasterisée ou ça va être un remake parce que. La seule chose qu'on a vue, c'était la pochette qu'elle a avoir sur le Xbox Live Arcade. Mais il semblerait que le jeu va sortir sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et PS Vita. Fait que on n'a pas encore de nouvelles, mais on a resté attentif parce que ça va être vraiment cool de voir ça. Un remake finalement d'un très bon jeu de Mickey Mouse qui va sortir prochainement. Est-ce que vous avez de Mickey Mouse? Oui. La nouvelle de LucasArts. Qui ont slacké 150 Disney, qui ont fermé LucasArts. Ouais. C'est dégueulasse. Ils gardent seulement les franchises en tant que licence. Je trouve ça plate parce que le pire, c'est que Disney, oui, ils ont un studio, mais ils sont pas spécialisés dans ce genre de jeu-là. C'est ouais, mais en même temps, est-ce que LucasArts a fait quoi de bon depuis les années 90? Moi je m'avais dit Knight of the Old Republic, mais c'est BioWare qui l'a fait. Battlefront, c'est pas eux autres qui l'ont fait, c'est vrai. Je regarde rapidement. Jedi Knight. Bon, on parle de 90 là. Jedi Knight, moi je l'ai bien aimé. TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter, c'était bon. C'était juste Star Wars. Ben oui. Grim Fandango, c'était vraiment bon. Oui, ça, c'est ça que je dis, des jeux de même, mais à part des affaires de même, ils n'en ont pas fait des bons. Non, ça fait un bout que LucasArts n'a pas sorti de... Ça fait longtemps qu'ils ont perdu leur touche, ça fait longtemps. Il était temps qu'ils ferment. C'est vrai, mais je pense que ça aurait été plus d'injecter peut-être du nouveau sang. Parce que ça me fait peur, parce qu'il y avait un nouveau jeu Star Wars qui était intéressant, c'était celui qui s'appelle 13-13. où on joue, où ça a l'air, de ce qu'on a appris, ça allait être Boba Fett qu'on allait jouer. Moi, j'adore. Là, il est cancellé. C'est ça, 13-13 est cancellé. Fait que c'est, je trouve ça dommage parce que Boba Fett, c'est un de mes personnages. Je l'aime bien. Fait que j'aurais aimé ça le voir et pouvoir jouer avec. Mais bon, c'est dommage. Mais je sais pas qu'est-ce que Disney va faire avec les franchises, sérieusement. Ils vont les licencier. Mm-hmm. Ils vont faire des licences avec, c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que ça, oh. N'importe quelle compagnie pourrait prendre la licence de, mettons, Grim Fandango, mettons, puis en faire un nouveau jeu. Non, ça peut être intéressant. Je me rappelle, il y avait Obsidian qui voulait faire un Knights of the Old Republic 3. Qui s'était proposé à en faire un. Okay, on sait jamais. Obsidian ne fait rien en ce moment. Moi, j'adore Knights of KOTOR. Sérieusement, c'est une de mes franchises préférées. Je sais, toi, c'est Grim Fandango que tu veux. Puis, oui. Moi, je veux un remake. Je veux un remake de Grim Fandango. C'est vrai, c'était fucking bon, ça. C'est vraiment... de bon jeu, là. Grim Fandango. Hmm. T'as jamais joué à ça? On va faire des recherches, tiens. Mais oui, j'étais capable de le faire marcher là, sur mon PC, là. J'en ferai un review. Là. C'est tellement un excellent jeu. C'est tellement façon de le faire, parce que moi, je me souviens avoir joué à Grim Fandango. Mais j'étais trop jeune à l'époque, fait que j'ai rien compris, j'ai rage quit aussitôt là. Dommage, c'est un très bon jeu d'aventure, click and play. Ça passerait mieux. Ouais, j'ai joué, j'avais comme 16 ans, 17 ans, fait que j'étais plus trippeux genre jeu d'action, mais j'avais aimé à l'époque l'ambiance. Quand il est sorti, moi j'en ai fini au complet. J'avoue, t'es très bon. Ça moi j'étais trop jeune. Ça fait depuis qu'il est sorti que je le cherche, ce jeu-là. Je l'ai. En double. Oh! Giger, faut que tu travailles là-dessus. Faut que tu nous trouves un moyen de le faire jouer. Giger est notre homme à tout faire sur le site. Mais c'est l'accro à l'ombre. Mais attends, on va faire des recherches en tout temps que Grim Fandango, il est pas disponible sur un des sites... Non, il est pas sur Steam. Il n'est pas sur Giger.com non plus. Puis tout non. C'est vraiment dommage parce que ça, c'est une franchise qui mériterait d'être plus d'être au moins rééditée, qu'on puisse y jouer. Surtout si vous avez aimé les styles point and click comme Monkey Island, ces affaires-là, vous allez vraiment aimer ça. Ouais. Prochaine nouvelle, aimez-vous les rumeurs? On embarque dans les rumeurs. La fameuse Xbox. Juicy. Ah oui. La première nouvelle, vraiment, ça vient d'une discussion sur Twitter entre un gars d'Xbox et un gars de Ubisoft Montréal, je pense. D'IE Montréal, où il parlait comme quoi que la nouvelle console allait être une collection Internet permanente. Et que si on débranche la console, ben on a seulement 3 minutes de jeu. Parce qu'après ça, à sa ferme! Est-ce que c'est con? C'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, là. Sérieux, là, je suis comme... Non, vous venez me perdre. Vous venez me perdre assuré. Ben moi, ils m'ont perdu, ça fait longtemps. Puis t'as une Xbox aussi. Ouais, mais c'est à cause de tout ce qu'il avait annoncé, les rumeurs d'Xbox. De pas jouer les usagers, toujours en ligne. Puis là, j'ai d'autres rumeurs en plus de ça, là. Fait qu'on embarque, là. Oui. À quel point c'est des rumeurs? C'est-tu un minimum fondé ou si c'est du monde qui ont pitché ça dans les airs? Parce qu'il veut... Ben, celle que je te parlais la dernière fois, ça a vraiment été tiré d'une discussion sur Twitter. Ouais, sauf qu'après ça, il y a eu des personnes plus officielles qui ont dit que ces personnes-là parlaient pas au nom de... Ouais, ça qui arrive. Là, c'est... Mais j'aime ça quand même en parler. On va en parler. On va donner notre opinion. Puis, au pire, si jamais ça apparaît à un moment donné dans une oreille d'un gars, ben, il va peut-être le savoir que c'était peut-être pas une bonne idée, tu sais. Parce que ce qu'on joue en ce moment, là, c'est pas bon. J'aime pas ça. Oui. Je pense que c'est ce que Sony a fait, hein. Ils ont tellement entendu de hate contre le fait d'être branché en permanence sur Internet que là, Sony se sont virés de bord. Puis, ils ont fait comme. Ok, non, c'est beau, on va canceller ça, puis on va pouvoir jouer des jeux usagés finalement. Fait que là, ça a comme calmé le monde. Peut-être que. En tout cas, peut-être. Ouais, fait que, tu sais, on va donner notre opinion, puis on va. Ce que ça dit, PL? Il y avait aussi. La même chose que Microsoft, il avait prévu de faire ça aussi pour la PS4. Mm-hmm. Fait que. Non, c'est... Temps, puis toute la patente. Maintenant, de ne pas être capable de jouer pendant 3 minutes de temps, je je sais pas si c'est... J'ai pas lu d'informations quelconques à ce sujet, mais... Supposément que, comme la Xbox 720, la PS4, tu serais obligé de toujours être en ligne. Mais ça mais non, à PlayStation 4, ils ont dit que ça allait fonctionner, le sans ligne. Mm-hmm. Ça a été confirmé. Mais je vais quand même donner les rumeurs, on va en discuter, mais, tu sais... Fiez-vous à ce que ça soit pas fondé encore parce qu'on n'a pas de nouvelles. Il est censé avoir une sortie pour le mois de novembre. Fait que d'ici temps là, sûrement au E3, on va avoir des nouvelles. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là. Tout à fait, tout à fait. Fait que ben écoute, les premières nouvelles parlent que la console sortirait au mois de novembre au prix de $500 américains, évidemment. Mais qu'il y aurait un pack qui nous offrirait la console à $300. Le hic, c'est qu'il faut avoir un abonnement Gold. Ouais. Bon, donc... moi j'ai une question. Moi, là, je suis oui. vraiment un noob, OK? Puis oui. je sais vraiment pas c'est quoi un abonnement Gold. Est-ce OK. Que L'abonnement Gold pour Xbox Live, ça permet de télécharger les démos, puis de jouer avec le monde en ligne, là, puis c'est payant, c'est ça. En fait, c'est ça, ben, excuse-moi, dans le fond, il faut juste payer, puis ils te le donnent, l'abonnement Gold. C'est ça, faut que tu payes comme 80 par année, je pense que c'est 60 ou 80. 60. C'est ça, tu payes 60$ par année, tu as le droit de jouer en ligne avec le monde, tandis que si tu n'as pas le Gold, tu peux pas jouer en ligne. Tu as plein d'options que tu n'as pas, comme par exemple, tu peux pas aller sur Netflix, pas utiliser les options sur Internet. C'est une gimmick pour vraiment te faire payer par mois. T'sais, on compare avec la PlayStation, tu payes à rien. Par contre, le système multiplayer, par exemple, sur Xbox Live, est top-notch. Ouais, j'avoue que, par exemple, leur système est un petit peu meilleur là-dessus. Et ils se font pas pirater. Je me rappelle encore m'avoir fait pirater mon compte. De PS3 ou de... PlayStation 3, ouais, dans le temps qu'il y avait des... J'ai pas pris de chance dès que j'ai su que... Anonymous avait piraté, moi j'ai coupé ma carte, j'ai dit regarde non, j'avais ma carte de crédit là-dessus, fait que j'ai fait comme non. D'accord. Et j'ai rappelé tout ça tout de suite, j'ai rappelé la compagnie, j'ai dit toi tu me cancelles cette carte-là, je veux plus rien savoir. Moi je l'avais sur mon PSP, le PSN, puis ben même s'ils me l'ont volé, ils ont pas dû pas avoir beaucoup d'argent avec parce qu'elle est toujours pleine. Fait que, non, c'est ça. Fait que, première nouvelle, c'est ça pour ce qui est de la nouvelle Xbox. Elle viendrait avec, connexion permanente Internet, comme on jasait, et qui aurait une Kinect 2 intégrée. Et qui serait pas rétro-compatible avec la 360. Ce qui est très dommage. Mais, il y a une autre rumeur qui parlerait de la Xbox 360. Que, ben, ils nous proposeraient encore une nouvelle version de la Xbox 360. Qui, le code s'appellerait le Stingray. Qui proposerait la console à $99. Ouais, mais ça fait pas longtemps, ça, qu'il avait proposé ça. Ouais, mais ça voudrait qu'il y ait un autre modèle là, qui embarquerait. Sauf que, il faudrait que tu payes $99, mais tu payes aussi un abonnement d'un an à Xbox Live. Fait que ça te reviendrait à 160 à peu près. Ouais, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Je trouve ça vraiment chien. Moi, j'ai payé ma Xbox 360 129$. Ouais, toi, tu l'as payé en spécial un peu, je pense, sur Future Shop. Best Buy. C'est la même affaire. C'est pas la même propriétaire. Fait que... ouais, mais la différence, c'est qu'au Future Shop, là, ils t'achètent toujours avec les hosties de garantie, puis Best Buy, ils t'achètent pas ça. J'avoue. Est-ce qu'on a des discussions sur Facebook ou Twitter par rapport à ça? Non. Je fais ça depuis tantôt, puis non. J'ai rien sur le Twitter. J'ai pas rappelé Geeks qui dit que ça va vraiment tuer l'aspect gaming. Que ça vaut pas la peine. Tuer l'aspect gaming, je suis pas d'accord parce que le gaming, il va toujours en avoir même avec les jeux passés et tout ça. Puis sur PC, le gaming est plus fort que jamais. Donc, je pense pas que ça va tuer le gaming en tant que tel. Ça va tuer les consoles, pas pareil. Ben, je pense pas qu'il va se tirer une balle. Ouais. Il se tire une balle parce que PlayStation vient de faire le contraire. Ouais. Ouais, je sais bien, mais je pense qu'on assiste pas mal aux dernières générations de consoles. T'as Nintendo qui sont déjà plus friendly dès le départ. Ben quoi que, ils ont encore quelques problèmes. Là. Je sais que la prochaine patch sort dans pas long là, pour ce qui est des load time. Toi, t'as-tu remarqué les load time sur la Wii U, Sylvain? Est-ce que t'en as beaucoup? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais comme ils disent, la patch, elle devrait corriger ça pas mal. Hein. Fait que c'est ça, non, on est du même avis que toi. Ben, ça tue pas le gaming, mais c'est vraiment la console en tant que telle. Parce que moi, de toute façon, j'ai quasiment planifié pour la prochaine génération de m'en aller sur le PC. Parce que, sérieusement, je trouve que j'ai plus d'avantages à jouer sur le PC qu'à jouer sur les consoles. Avec Steam, pis, tout, pis les... Ouais, big picture, pis tu fais un ordi de salon, là, pis, avec une manette sans fil, pis c'est comme une console. Et voilà, dans le fond. C'est moins compliqué, ton PC fait tout en mieux, moindrement que tu as une bonne carte graphique. Fait que, rendu là, c'est quoi l'avantage de payer 500$ pour une console qui fait moins que ce que tu as déjà, là, finalement? Ouais, mais faut faire attention, par exemple, parce que l'avantage des consoles, c'est que quand tu achètes un jeu, tu es sûr qu'il va marcher dessus. Et voilà. Tu n'auras pas besoin de payer une autre carte graphique pour le faire jouer, ça, c'est une autre affaire. Marilyn, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je comprends. Mais dans un sens, c'est avantageux d'avoir le PC parce que le PC va peut-être te coûter, oui, 500$, mais tu vas avoir l'équivalent de peut-être quoi, 5-6 consoles avec les jeux. Oui, mais il y a des jeux qui ne sortent pas sur PC, comme tous les jeux de Nintendo. Je suis d'accord. C'est un ouais, fait. C'est vrai. Mais Nintendo, tant qu'à moi, Nintendo reste une classe à part. Quand Nintendo a sorti sa Wii, évidemment, il n'y avait pas les graphiques du Xbox puis du PlayStation, mais la Wii, ça en est quand même très bien sorti. Pourquoi? Parce que c'est, à mon avis, la meilleure console de party quand tu es avec ta famille. À quoi tu joues? Tu joues à la Wii parce que c'est nouveau, bon, c'est le fun, ça bouge, c'est drôle. Oui, c'est pas compliqué. Puis ils sont allés chercher un market qui n'existait pas. Ah ouais. Et voilà. Les premiers joueurs de jeux vidéo. Puis avec ça, tu sais, les autres compagnies ont tellement essayé de se rattraper, mais ils ont tellement sont tellement plantés là. Non. Qui a une move ici? J'ai pas de PlayStation 3. Mon ancien coloc a le move, that's it. Ben toi t'en as pas, moi j'en ai pas. Marie j'ai pas de Kinect. Moi non plus. J'ai pas de Kinect, je suis quasiment pas intéressé. Le seul jeu que j'ai intéressé par la Kinect là, c'est pas les Just Dance, Dance Central. Ouais, mais c'est ça le problème avec PlayStation puis Kinect, c'est qu'ils ont voulu imiter Nintendo trop tard, puis il y avait pas les jeux qui allaient avec leur affaire. Tout à fait. Puis ça fonctionne mal, puis en plus, ils nous ont tellement promis que tu pouvais tout faire avec la Kinect, que là, c'est arrivé, tu pouvais quasiment rien faire. Au début, ouais. T'étais censé pouvoir détecter les mouvements du doigt, ils sont pas capables. Ben non, tout compliqué. Bien. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, je suis bien d'accord avec toi, ta star. La Nintendo a vraiment été chercher sa niche, puis je pense avoir resté à part, mais encore, je pense, j'ai l'impression que s'ils font pas un move vraiment intéressant, Nintendo, ils sont en train de se planter peu à peu. Ouais, mais ils se sont pas plantés avec la Wii. Hein. Ils sont pas plantés avec la Wii. La Wii, non, mais la Wii U, disons que ça s'apprend. Ouais, mais ça fait même pas 6 mois qu'elle est sortie. Non, je suis d'accord, mais ça répond quand même pas à leurs attentes et à leurs prévisions. Ben écoute, la même histoire, on a vu la même histoire avec la 3DS. Ben oui, puis regarde, à cette heure, c'est les meilleures consoles de portables du marché. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que ça décolle? Ça a pris 6-7 mois facile. J'avoue. Mais il manquait de jeux. Oui, mais là, à cette heure, les jeux sont là, puis la Vita est pas capable de démarrer pendant tout. Mais Nintendo, eux, comme après n'importe quelle corporation, veut que leur produit démarre right away. Sans ça, c'est un échec. Ben non. C'est une mentalité avec un gros. C'est une mentalité qui a beaucoup de défauts, mais garde. Non, c'est tout le contraire. Nintendo veut que ça aille slow pour qu'on aille de quoi encore plus loin. Oui, à long terme. Mais c'est pas avec la mentalité qu'on fait ça avec la première. Oui, mais malgré son succès. Non, parce que là, il y avait un problème avec la GameCube par avant. Malgré que la console était plus forte que la PlayStation 2, ouais. Il n'y avait juste pas le backup nécessaire à third party. Tandis qu'avec la Wii, ils ont tellement fait de cash qu'ils nagent dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'ils pouvaient se permettre de retourner à être plus slow. Ça fait penser à Picsou, soudainement. J'ai remarqué dans nos commentaires sur YouTube, Dortan qui nous dit, petite parenthèse comme ça, avez-vous entendu parler de la Steambox qui va sortir à 1000$ dans le temps des fêtes? Ouais. Plus ou moins. Perdez pas votre temps avec ça. Montez-vous un PC de salon pour pas plus que 500$ qui va torcher le cul. Ne perdez pas 1000$ pour n'importe quel ordinateur pour gamer, ça donne rien. Mais sauf que c'est plus facile, c'est plus user-friendly par exemple, la Steambox qu'une machine. C'est quoi qu'il y a de plus? Tu peux changer facilement tes pièces dedans. Avec les kits. Ah ouais, la petite affaire là, le petit carré là. Sais-tu comment ça coûte ça? C'est plus facile, ouais, mais... Ouais, mais des fois, t'es quelqu'un comme moi qui n'est pas capable de jouer dans sa machine. Et c'est pas super pareil. Chris, c'est pas compliqué, tu changes une carte vidéo, c'est fou! J'ai fait... Rappelle-toi que j'ai dû changer mon ordinateur parce que j'étais pas capable de pouvoir changer mes barrettes de RAM dedans. Ouais, mais ouais, en fait, il est comme ça. Tes barrettes de RAM, c'est, ils sont juste plus bonnes en même temps, puis c'est daté. Regarde, oui, à ce moment-là, t'as raison, Ben, t'as pas besoin d'avoir un nouvel ordi. Oui, mais tu sais, je veux dire, si... Moi, là, si je savais comment ça me jouerait dedans, j'aurais gardé mon ancien ordi parce que je trouvais qu'il allait bien pareil pour mes besoins de moi. J'ai dû changer d'ordinateur parce que j'avais pas le choix parce que l'autre me plantait tout le temps à cause que j'ai joué dedans puis j'ai fait planter mon système. Mais... Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi la Steambox 1000 parce que vous oui. semblez toute okay. anti-Steambox, mais moi, je sais non. pas c'est quoi. Ok, la Steambox, c'est un PC de salon, finalement, où que tu vas pouvoir connecter ton ordinateur sur ta télé, et avec le mode Big Picture qui existe sur Steam, te permet de jouer à tes jeux de console sur ta télé, via ton ordinateur Steambox. Tes jeux PC, oui. Okay. Donc, tu vas pouvoir brancher une manette, puis jouer, mettons, à Sega and All-Star Racing que tu avais normalement sur ton ordinateur, mais tu vas pouvoir le jouer directement sur ta télé. Puis la différence avec un ordinateur normal, c'est quoi? C'est que c'est petit, puis il est modulaire. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est ça la super innovation. Là, je vais mettre l'image à l'écran, voir, puis... On s'en... Ah, OK. Donc ça, c'est la Steambox. Ouais, le modèle qu'on voit en ce moment, c'est le modèle qu'on appelle la Piston, qui est une compagnie à part, mais qui travaille avec Steam pour créer cette machine-là. Et c'est ça, l'habilité vraiment, c'est que si par exemple tu veux modifier ta Steambox pour la rendre plus facile, ben, la rendre meilleure, ils vont te vendre des kits où tout ce que tu auras à faire, c'est juste déclipser ton ancienne barrette de RAM, tu vas juste la déclipser, puis en remettre la nouvelle dedans, puis tu la refermes, point. Donc, tu n'as pas besoin d'enlever les barrettes et remettre à l'ancienne, là. Ouais, tout ça pour 1000$, là, me semble. Mais ça coûte les yeux de la tête. Sérieux, payer quelqu'un pour le faire changer ton ordi, ça coûte moins cher. C'est sûr. C'est une gosse pour 1000$, à mon avis, là. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on réagit comme on a réagi. Ok, je comprends mieux. Check. Je vais juste vous faire une anecdote. Ok, je me suis payé, là, ce beau laptop, là. Ok. Ouais, je pensais que tu me montrais d'autres choses. C'est vraiment autre chose, là. Ouais, la bedaine. Ouais. Je me suis payé un beau Alienware pour gamer. 1300$. Perdu dans le vent parce que je m'en sers même pas pour ça. T'en sers ne faites pas la même erreur que moi. Ne dépensez pas 500$ et plus pour un ordi de gaming quand vous pouvez vous en monter un pour 400$ comme j'ai fait. Donc, quand je vais changer d'ordinateur, c'est sûr que je vais appeler Sylvain, mais entre-temps, j'ai encore ma bonne tour d'ordinateur que j'ai dû payer chez Photoshop. Alors. Mais on regarde, au moins elle marche, puis je game comme ça, comme il faut. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, Marie ou PL? Pas vraiment. Ben, Dertin explique que l'idée, c'est qu'avec le Big Picture de Steam, ça prend une sortie HDMI branchée sur ta TV, puis il n'y a plus d'intérêt à acheter Steambox. Le prix est complètement dérisoire. Comme disait Sylvain, finalement. Exact. Et Kevin dit que lui, s'il achète une Xbox, s'il vient qu'en avoir une, c'est pour Dragon Ball, Kinect et Fez. Il est tellement mal coté, Dragon Ball Kinect, là, pas sûr. Hey, au moins, il a pas dit Star Wars Kinect, écoute. Ouais. Avec Han Solo qui danse? Amansolo. Puis la chanson de la chanson dance de Princess Leia qui est juste c'est juste horrible. Et on fait une petite parenthèse. Tester, suggère-nous un band metal s'il te plaît. Oh boy. Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, non mais. C'est random. Parce que t'as l'air d'un gars de métal. Oui, non, mais c'était vague le métal, hein. Puis pour quelles circonstances tu veux un band de métal? Non, juste un nom au hasard comme ça que tu peux shooter là. Amon Amarth. Ah ok, c'est bon. Je pensais qu'elle allait sortir genre Rhapsody. Bah, aussi. C'est bon. Bon, on va embarquer dans la prochaine nouvelle. Ouais. Saviez-vous que Team Ninja, c'est fini? Non. Ça vient d'être annoncé. Tecmo Koi a décidé de splitter l'équipe de Team Ninja en deux. Qui va s'appeler Ichigaya Development Group 1 et Ichigaya Development Group 2. Mais le studio de Team Ninja, c'est l'équipe complète, c'est fini. Ils ont décidé de splitter la team entre les équipes internes de Koei. Tecmo Koei, je trouve ça dommage. Team Ninja, c'est eux qui nous avaient proposé l'excellent Ninja Gaiden. C'est bizarre comme décision. C'est très bizarre, mais ils disent que c'est surtout à cause du départ d'un directeur créatif qui a fait en sorte que finalement l'équipe se dissoute. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de ces jeux-là, vous autres? Ça peut, ils ont sorti quoi déjà, Team Ninja? Dead or Alive, ils ont sorti Ninja Gaiden. C'est lequel Ninja Gaiden? Pas l'original. Non, ben c'était Tecmo qui est dans le temps, mais je pense pas que c'était Team Ninja. Non, Team Ninja. Il y a des sorties sur Xbox puis les Sigma. Actuellement, tu as quand même eu des codeurs de Team Ninja qu'on connaît aujourd'hui qui ont travaillé sur les anciens. Ouais, je sais, mais c'était pas Team Ninja. Non, c'est pas en tant que tel Team Ninja, mais t'as des codeurs qui travaillent sur les vues Ninja Gaiden du 8-bit. Ok, donc. Écoute, il y a quand même un jeu qu'on pourrait. Après qu'on va l'avoir nommé, on va être malade, là, que Team Ninja a fait. Je regarde la liste. Ah, oh, ouais, bah. C'est ça. Fucking Metroid Other M. Je regarde la liste, là, pis c'est pas vraiment impressionnant. Pas vraiment. Ben, c'est une liste qui est popée. Ils avaient leur style dans ce qui est de l'action. Ils étaient vraiment. Étaient bons. C'était dans leur team, dans leur style d'action. Mais ils n'ont jamais réussi à dépasser les équipes comme. Ceux qui ont fait le. Mais. Écoute. La liste là, complète, là, c'est Dead or Alive, Dead or Alive 2, Dead or Alive 3, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, Dead or Alive Ultimate, Ninja Gaiden Black, Dead or Alive 4. Oui, mais t'aimes ça les rondeurs généreuses, Sylvain? Ah ouais, avec des seins full pas réalistes qui bounce comme ça, là. Hey, je travaillais dans le temps. Dans le temps, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo où, lorsqu'il est sorti Extreme Volleyball, j'avais pas le droit de le louer ou de le vendre à des enfants en bas de 17 ans. Ben, c'est juste des filles qui font « C'est réussi! » Je l'ai dans ma collection. C'est sûr, ça c'est sûr. Ça me surprend même pas. Non, mais j'étais curieux, je voulais savoir c'était quoi. Moi, Dead or Alive, ça sonne genre jeu de combat. J'ai acheté ça, pis là, il y avait des tits dessus, mais bon. Dans un combat, tu m'as fait des chicks, oui. Non, j'ai dit des tits, en tout cas. Ah, ouais. Fait que c'est fini pour Team Ninja. On va voir qu'est-ce que ça va donner prochainement dans les autres équipes. Parce que quand même, on a hâte d'avoir des nouvelles du nouveau Metroid. On sait jamais. Peut-être faire plaisir à notre cher PL. Ça prendrait Metroid pour 3DS. Ça demeure la chose que je surveille le plus de toute l'année 2013. C'est de savoir si effectivement le projet de Retro Studio, c'est un nouveau Metroid. C'est le Metroid Prime ou c'est un autre jeu. Mais comme j'ai dit, c'est supposé être un jeu, le jeu sur lequel Retro Studio travaille est un jeu duquel tout le monde attend et tout le monde voudrait. Mais les gens veulent une suite de Metroid. Moi, je veux une suite de Metroid Fusion. Oui, c'est ça que moi je joue aussi. Donc, mais justement, ici, je pense que c'est Sylvain ou c'est Carl qui a mentionné pour 3DS? Moi. C'est Sylvain. C'est Sylvain. Non, c'est ça. J'aimerais ça voir le style, genre ancien Metroid, mais en même temps, tu sais, tu puisses le jouer sur le Wii U avec la carte. Tu puisses, par exemple, ok, je m'en vais là, puis t'as des combats qui sont bien faits, puis... Je pense que Retro Studio vise. Mais encore là, c'est ce que je pense. Ben, ils ont pris quand même de l'expérience avec Donkey Kong, j'imagine, là. Ah, oui. Parce que du platforming. Et de la notoriété, et de la conférence de Nintendo, parce que tellement Retro Studio, c'est une sous-division de Nintendo. Ouais, c'est un studio qui a été acheté par Nintendo. Ouais, absolument. Fait que non, j'ai hâte de voir ça. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient pas du Zelda, ils sont déjà occupés avec un autre projet. Ça veut dire quelque chose de big. Ça veut dire quelque chose de big, et voilà. Tout à fait. Moi, je te dis, on voyait qu'il y a de la nouvelle, puis je pense que ça va revenir un petit peu avec ce qu'on jasait tantôt par rapport à la début difficile de la DS. C'est Shinjiryu Miyamoto. Notre dieu et maître. Le sien. Le mien, oui, parce que toi, c'est Sergei Kopal. Non plus? Ah, je pensais que c'était ton dieu à toi. Non. Notre cher monsieur Miyamoto, qui nous a dit qu'il a dit en entrevue que comme quoi qu'il fallait s'attendre à ce que les débuts difficiles de la Wii U ressemblent énormément à celui de la DS, puis c'est vraiment parce qu'ils sont en train d'expérimenter avec la console ce qu'ils peuvent faire. Il demande à tous les joueurs de donner-leur une chance. Ben oui, moi j'y crois. Moi aussi j'y crois. Parce que étant celui qui a fait des premiers tests parmi les accros de la Wii U, je vais m'étonner à dire que c'est une console très intéressante, une console avec un excellent potentiel, même si elle a des tendances dans le fond de Nintendo, justement la DS Deluxe, la Wii U je parle. Mm-hmm. Ça change pas le fait que c'est quand même une console qui a beaucoup à offrir. Sûrement, oui. Écoute, moi, ce qui me fait sûr que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des bons jeux pour faire vendre des consoles et que finalement, les third parties disent « Hey, ça pourrait être intéressant de développer cette console-là, finalement! Mm-hmm. » Ben, c'est ça qui manque. Ben, sinon, ça va être encore juste des jeux Nintendo. Comme la console qu'on va jouer tantôt! Get down. Fait que ça finit notre segment nouvelle. Est-ce qu'on a d'autres discussions avant qu'on commence notre dernier segment? Attends, laisse-moi voir ce que j'ai mis sur Twitter. Pas sur mon bord. Ça a comme devenu au nerd pas mal sur YouTube. À moins que ce soit YouTube qui bug, ça se peut ça. Ouais, ça se peut ça aussi. Ok. ça crie avec Shimura. J'espère que Retro Studio fera Metroid. Moi, j'appellerai ça Metroid 3000. Ah. Ça fait fou, genre petite compagnie de piscine, là, tu sais. Piscine 3000. Ben non, ils vont appeler ça Metroid U. Enfin, on a une question. J'ai une question. Est-ce que la Wii U fait enfin jouer les DVD et les Blu-ray ou télécharger des films sur Wii U? D'autre part, est-ce qu'il y a un Netflix sur Wii U? Mais à mes connaissances, Retro va pouvoir le confirmer. Il y a un Netflix sur Wii U. Vrai ou faux? Oui, il y a un Netflix sur Wii U. C'est ça, il y a un Netflix sur Wii U. Jouer les DVD puis les Blu-ray, c'est vrai que c'était un des périphériques qui était pour fonctionner dès le départ, mais il me semble que c'était peu après, genre vers décembre, il y avait une page qui était téléchargeable pour faire jouer les DVD. Les Blu-ray, ça, je suis pas sûr, par exemple. Ouais, ça peut faire jouer les DVD, ça? Non, c'est pas censé. Ça peut pas, là. De ce que les nouvelles disaient à l'époque, c'est que Nintendo voulait vraiment se concentrer sur une console et non un lecteur. De toute façon, je vois pas pourquoi qu'on aurait besoin de ça. Exact. Moi, je peux vous raconter les noms. J'ai compté plus les noms de PlayStation 2 et qui ont. Ben, c'est un exemple là, que je donne. De PlayStation 2 que j'ai vu casser quand je travaillais chez Microplay parce que la lancée de la laser était usée à force que les gens écoutaient des DVD dessus. Ben, Dont moi. De toute façon, tu peux acheter un lecteur Blu-ray pour 50$. pas cher, tu sais, c'est une... non. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt là, d'avoir une console qui fait ton café puis qui change tes bobettes le matin, tu sais, je veux dire. C'est pas ça le but, là. Mais je te dirais qu'il y a un bout, par exemple, là, que la PlayStation 3, c'était vraiment vendu. La plupart des vendeurs me disaient, si tu veux un lecteur Blu-ray, prends-toi une PlayStation 3 parce que c'est ce qu'il y a de meilleur comme lecteur. Parce que c'est vrai, dans le temps, les lecteurs Blu-ray, les premiers, là, je parle, là, ça valait pas plus de la merde. Qui a confié Blu-ray? Sony. Non. Faux. Vous avez tout faux. Le Blu-ray, ça a été développé par plusieurs compagnies, dont Sony. Et ça n'appartient pas à Sony. Non, on n'a pas dit que ça appartenait à Sony. Non, mais c'est pas Sony qui l'a créé. C'est Sony qui en a fait sur le marché. Mais c'est pas Sony qui l'a créé. J'ai fait mon mea culpa, je suis désolé. D'accord. Je n'étais pas au courant. Moi, je pensais tellement que c'était l'HD DVD qui a gagné. Jamais de la vie. Je vais éduquer juste avant que Tester embarque. Je vais éduquer le monde. Alors, le Blu-ray a été développé par The Blu-ray Disc Association. C'est un consortium de plusieurs compagnies dont Sony en fait partie. D'accord. Donc, là-dedans, il y a Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp et Samsung. C'est quand même des gros noms. C'est ouais. Ça. Puis moi, j'avais Toshiba avec le HD DVD. Puis c'est avec l'aide du MIT. Ok. Tu n'y pas avec le MIT, hein? Non. Qu'est-ce que tu l'as dit, Tester? Ouais, moi je disais que des fois, je pense que les gens sont peut-être un peu paresseux, ils aiment ça tout avoir dans le même, là. Fait qu'ils veulent que leur console fasse tout, puis c'est pour ça qu'ils veulent que leur nouvelle console lise les DVD. Ils sont paresseux, ils veulent tout dans la même console. Tu sais, ils sont habitués avec leur iPhone, maintenant ils font tout avec ça, là. Tu peux aller sur Internet, tu peux parler, tu peux... Ton agenda est là-dedans, même... tu sais. Je pense que tu peux télécharger ta télécommande pour Android et iPhone, mais si c'est pas en développement, ça va. C'est pas sorti, ça va, c'est en développement, c'est sûr et certain. Je peux contrôler ma TV, mon Blu-ray, puis tout ce qui est Samsung avec ma tablette Samsung. Oui, voilà. Fait que non, mais de toute façon, c'est aussi les compagnies qui nous disent ça, hein. La PlayStation 3, quand c'est sorti, vous allez pouvoir tout faire avec. Allez sur Internet, vous allez pouvoir écouter vos films. Vous allez pouvoir acheter des DVD, des Blu-ray, ça va tout fonctionner dessus. Je peux déjà faire ça sur mon ordi. Et voilà. Et ouais. DVD, 100 ans. Fait que là-dessus, ben, je pense qu'on va embarquer sur notre sujet du jour. Oui. Si ça vous tente. Oui! Alors, les accros, voici la console en question. La Nintendo 64, mais sortie en 1996. Une console, je vous dirais, qui est mitigée par les joueurs, puis je vais m'expliquer là-dessus. Autant que Nintendo, lorsqu'il est sorti, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la console, auparavant, c'était un partenariat Sony Nintendo pour pouvoir créer un lecteur CD pour la Super Nintendo. Mm-hmm. Et qui aurait peut-être pu sortir une console qui aurait été une hybride entre la Nintendo 64 et la PlayStation première du nom. Mais malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé parce que Nintendo ont des fortes têtes et ont décidé de faire « Ah non, finalement, on n'utilisera pas de lecteur CD. » En fait, je peux te corriger aussi là-dessus? Ah, vas-y, corrige-moi donc ta cassette. En fait, t'as pas tort sur presque tout. Par exemple, Nintendo a juste cancellé leur contrat avec Sony pour aller avec Panasonic. Puis c'est là qu'ils se sont fourrés. Oui. C'est vrai, je me suis trompé parce qu'ils se sont fait fourrer pour la CDI. Une console que je recommande, si jamais vous avez la chance d'aller voir sur YouTube, allez voir les vidéos des jeux très merdiques. Et en passant, je lance cette suggestion-là pour le prochain échange de cadeaux. Envoyez donc une CDI à Sylvain qui nous fasse une statistique. Hey, je vais faire comme le nerd à ce moment-là. Tu vas capoter. Ou bien, Dark Castle on CDI! Et aussi, notre cher joueur du grenier qui a fait une critique de Zelda. Sauf que le pays, il n'y avait pas une manette de gaming normale, il y avait la petite tapette. un bouton qui se mettait. C'est comme si je jouais en enfer à hardcore. Alors, c'est ça, à cause de ce malheureux, cette merde de console CDI, ben Nintendo s'est fait comme, ah ben, on va se travailler sur notre prochaine console. Alors, ça a sorti la Nintendo 64, sortie en 1996. La manette a été conçue par M. Miyamoto lui-même. Oh mon Dieu, c'est peut-être la grosse erreur qu'il a faite. Oui, qui est une, on va en parler un peu plus tard, mais une manette qui est très, très différente. Si je manette, peux m'exprimer pas comme très ça. Manette, en fait. Hein? Une manette affreuse qui n'est pas ergonomique, pas tant. Une manette, c'est aussi grosse que la console elle-même. Là, t'as un problème. Ben, ça ressemble à la Wii U un peu. Bon, mais Wii U, t'as un écran dans ta manette. Ouais, ok, voilà. Il y a un bout de trop sur la manette de la 64, là, on s'entend. Là. Ouais, ça va être le côté gauche. Ouais, ici. On va en parler un peu plus tard. D'abord, je vais vous demander, Zachro, vos souvenirs de cette console-là. Je vais commencer avec Marie-Lune. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette console-là? Moi, j'ai un souvenir étrange de la 64. Parce que, vous le savez tous, je l'ai fait, même, je l'ai même dit, je pense, dans mes premières vidéos. À vie, c'est pour les accros, j'avais une Super Nintendo chez nous. Enfin, j'étais habituée avec une petite manette. Là. Et je me retrouve avec ce bidule dans les mains. Que, comment ça marche, cette affaire-là? Parce que j'ai pas nécessairement... J'ai joué un peu avec, mais c'était tellement difficile à contrôler pour une fille qui avait juste joué avec une mini-manette de Super Nintendo. Donc, c'était vraiment mélangeant. Fait que, oui, il y avait des jeux, les jeux que j'adorais, dont Mario Kart, que j'ai appris à aimer sur Nintendo 64, en premier lieu. J'ai joué, la première fois que j'ai joué à ça, c'était sur Nintendo 64. Et le fait que, le trois quarts du temps, je jouais pratiquement juste 15 minutes parce que je me tannais à cause de la manette. Donc, c'est vraiment mitigé comme souvenir que j'ai, là. La Nintendo 64. Tester, ton côté, c'est quoi tes souvenirs de cette console-là? Oh boy, moi j'en ai quand même long à dire. J'avais 9 ans, OK? J'avais 9 ans, j'allais chez mon ami dans ma rue. Il faut dire que parce qu'il habitait dans ma rue, il était automatiquement mon ami. Surtout qu'il avait des tatouages. C'est souvent de même. Ouais. Souvent même, oui. Puis, en tout cas, c'est ça, j'avais 9 ans, il y avait un Super Nintendo, puis moi j'avais encore juste le Nintendo ordinaire. Fait que je me ramassais souvent chez eux pour jouer au Super Nintendo. Ça, c'était jusqu'à temps que ses parents décident d'acheter le Nintendo 64. Quand c'est arrivé, c'était de la bombe. De mon point de vue d'enfant dans ce temps-là, je capotais bien raide. On avait GoldenEye. On avait Mario Kart 64, puis on avait quatre manettes, puis on était genre tout le temps trois ou quatre amis, fait que c'était génial. Génial, on friquait bien raide, on passait nos nuits là-dessus. Franchement, c'était vraiment là, un des meilleurs bouts de ma vie de jeune gamer, c'était la Nintendo 64. Antithèse de ton côté, tes souvenirs? Beaucoup de déceptions du contrôle, surtout considérant que le joystick, c'est pas un joystick, disons, ni les plus solides, ni les plus qui répond le mieux, disons-le comme ça. Moi j'ai si on veut la découverte que un jeu ça peut être mauvais. Mais quelle est cette sorcellerie, un jeu peut être mauvais, et le jeu qui est comme réaliser cette triste réalité est Castlevania 64. Ouf, ouais, c'est un très très mauvais, je l'ai ici en plus. Ah, Sylvain, toi de ton côté? Écoute, quand la Nintendo 64 est sortie, puis la PlayStation, j'ai carrément skippé la génération parce que ça faisait un bout que j'avais découvert les filles et les bars. Donc, quand la console était sortie, j'avais 18 ans, donc j'avais d'autres préoccupations. Sortir dans les bars, vendu! Genre, Mais j'ai découvert la Nintendo 64 quand j'ai retrouvé un intérêt pour le rétro gaming en 2004. Puis là, j'ai essayé Castlevania 64 et là, j'ai été profondément déçu et terrorisé. T'as commencé avec le bon jeu, hein? Ouais, j'ai commencé avec ça. J'ai dit, hey, Castlevania 64, wow, c'est cool! À mon crédit, j'ai eu la même réaction. Ouais, ben écoute. Why the fuck not? Puis après avoir crevé atrocement et avoir utilisé une manette de merde pendant tout le long du jeu, je me suis dit non, c'est pas bon Castlevania 64. Mais Zelda, c'était cool. Ocarina of Time. Sauf que la manette, c'était toujours de la merde pareil. Puis Majora's Mask était cool. Puis le jeu que j'ai plus trippé là, sur Nintendo 64 qui me donne des bons souvenirs, là, c'est Hog Battle 64. Oui. Oh, un grand classique. Un jeu que j'ai téléchargé en plus sur la Wii. Je l'ai acheté, ouais. C'est vraiment cool. Moi aussi, puis je l'avais en cassette, puis je l'ai vendu à Steam. Comment t'as pu? Je sais pas. Comme le monde qui avait acheté des cassettes de StarCraft. Moi, mes souvenirs de la 64, c'était qu'à l'époque, j'ai vécu pauvrement, étant jeune. Et un des amis dans ma rue, parce que oui, tout le monde était ami dans notre rue, pareil comme disait notre soeur Tester et Marilyn, avait un Nintendo 64. Et j'allais souvent jouer chez lui parce que bon, on était bien chumé. Puis l'été 97, je pense, ça a été une des plus belles étés de ma vie. J'ai joué quasiment tout l'été à Nintendo 64, à jouer à Mario 64. Après ça, il y a eu Star Fox 64, qu'on a eu énormément de fun, juste à se chasser dans les deux avions, à essayer de se pogner l'autre pendant une demi-heure. C'était notre trip pendant jouer long. Et on a découvert le fameux GoldenEye. C'était quelque chose à jouer à plusieurs. Et on en a passé des nuits à jouer à GoldenEye 64, à essayer de s'attaquer, de se pogner. Et ma mère voyait que je jouais souvent à ça, alors elle a fait un sacrifice énorme et m'a acheté ma première console Nintendo 64 pour ma fête, que j'ai encore ici, que ça a l'air, selon mon frère, elle marche plus. Ça a l'air selon lui. Ben, c'est parce que là, j'ai enlevé l'Expansion Pack parce que j'ai mis sur ma nouvelle. Mais je vais essayer de la faire marcher des fois que je serais pas capable. Mais ça a été une de mes premières consoles que j'ai reçues en cadeau pour moi. Et je garde quand même des bons souvenirs, hein, malgré les points que je vais soulever tantôt au courant de la discussion. Quel jeu qui vous a le plus déçu cette console-là? Castlevania 64. Chrononon, Super Mario 64. T'as été déçu par Mario 64? Oh, mais non. Ah, ouais? Ouais. Ben là, ça se peut pas. Non, ça... Non, non. Explique. Explique-toi, t'as d'affaires à avoir des bonnes explications. Et là, t'es devant tout le monde, alors faut que tu te justifies. Non, c'est... Ben, pas de problème, c'est vraiment... C'est quand je parlais avec l'expert de la manette, entre autres, c'est... Celle de Mario 64 me faisait atrocement frustré. Puis pourtant, je suis une personne qui s'est investie dans un gameplay. Fait que c'est que habituellement, je suis quand même un bon jeu, si on veut. Tant pour dire si un gameplay est bon ou pas. Sans non plus dire que c'est le pire des gameplays, j'ai juste détesté le gameplay. Ce qui fait que mon expérience de jeu avec Mario 64. Ça m'a été ruiné parce que, encore une fois, c'est de jouer sur le joystick, c'est un nouveau type de contrôle des sauts. Même pour un jeu 3D, pour moi, puis même aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, mais dans ce temps-là, pour moi, les sauts, la mécanique de Mario 64 était atroce. Je sais pas si c'était la console que j'essayais qui était pas intéressante ou brisée ou peu importe. Mais elle est sortie pourtant, fait que ça peut pas être ça. Mais je pense que c'est effectivement plus un problème de contrôle à ce moment-là. Mais aussi un problème de caméra dans le cas de Mario 64 que le jeu en tant que tel. C'est sûr que c'est pire avec Castlevania, c'est sûr que c'est pire avec... Oh my god. Ils ont essayé de sortir une expansion pour Castlevania, soit dit en passant. Que je pense que c'est Curse... Ouais, le jeu de Garou, là. Les Castlevania. Ouais, Castle of Darkness, qui est nettement meilleur à mon avis. Mais... Ben, c'est une perte de temps. C'est pas une version si améliorée que Castlevania. Non, mais je sais pas, on dirait que le feeling est mieux, mais ça joue aussi mal. C'est ça, tu sais. Fait que c'est mon problème que j'ai rencontré avec Mario Sonic 4 en tant que tel, le gameplay. Maintenant, il paraît que le gameplay s'est nettement amélioré quand il y a eu son port pour la DS. Ça, je peux pas le confirmer parce que j'ai pas joué à Mario Sonic 4 DS. Je l'ai pas non plus. Moi, j'ai... S'il y a de quoi, essaye la version Wii qui ont sorti avec une manette GameCube. Je trouve que ça va vraiment bien. GameCube répond mieux aussi, faut dire. Oui, la manette était mieux conçue sur GameCube que sur 64. C'est même pas comparable. Le GameCube est quand même mieux que la manette de 64. La manette de GameCube, elle est cool. Donc, en passant, je pense que la manette de 64, la manette de 64, a reçu des prix vraiment, pas vraiment très très flatteurs pour son design et son exécution. Mm-hmm. On va en parler dans pas long. Je vais y aller avec Tester. Qu'est-ce que tu penses des jeux que tu as été plus déçu sur le 64? Oh, on n'entend plus. T'es-tu là? Ça a coupé. Ah, ok. ok, là je t'entends. Les jeux qui t'ont le plus déçu sur la 64? Ben écoute, moi, comme j'ai dit tantôt, quand la 64 est arrivée, j'avais 9 ans, puis j'étais avec mes amis, donc on jouait aux jeux multi, puis on avait du fun comme ça se peut pas, donc les mauvais jeux 64, j'en connais, mais c'est juste parce que je viens de commencer Tester Alpha, parce que avant ça, je jouais aux bons jeux 64 en multiplayer, donc d'accord. Présentement, je peux t'en nommer des mauvais jeux 64, mais disons que j'ai couru après pour trouver les pires jeux. Ok. Marie-Lune, toi, est-ce que tu en connais des jeux de 64 que t'aimes pas? Pour être franc, j'ai pas assez joué au Nintendo 64 parce que moi, j'en possédais pas une. Donc, j'ai pas assez joué pour vraiment avoir découvert les jeux de Nintendo 64. J'en connais à peine. J'en ai joué un ou deux. Donc, je peux pas dire si je connais des mauvais jeux parce que ceux que j'ai joués, je les ai aimés. Donc, il faudrait que je joue davantage à la console avec d'autres jeux pour découvrir encore plus. Mais pour le moment, j'en connais pas. C'est peut-être à mon avantage d'ailleurs. moi, de mon côté, des jeux qui m'ont déçu, il y en a une couple. J'en pense un en ce moment, c'est Quest 64, un jeu RPG qui était totalement merdique. C'est vraiment un mauvais RPG, j'étais très très déçu. Sinon, la plupart des jeux qui m'ont déçu, c'est des ports de jeux de PC. Je pense que par exemple à Hexen ou à Quake le premier, où le gameplay est totalement mauvais, c'est mal fait. Graphique c'est beau, mais il manque de quoi que tu sais que t'as pas avec un clavier souris qui ont essayé de reproduire sur la 64, puis ça a pas donné des très bons résultats à mon avis. Ça m'a vraiment déçu. Sinon, rapidement, comme ça, j'en ai pas d'autres. Carmageddon. Carmageddon 64, qui est totalement mauvais. Superman 64. Quel? Superman 64, mais ça, faut-tu vraiment le mentionner? Non. Pas besoin. Je le mentionne dans le fond parce que Ty arrête pas d'en parler le Twitter. Ok. En parlant de YouTube, Twitter, est-ce qu'il y a du monde qui nous jase en ce moment? Est-ce qu'ils ont des commentaires? On a beaucoup. Ben, moi, sur YouTube, excuse-moi, Antithèse. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de leurs meilleurs jeux 64 et de leurs moins bons jeux sur 64. Fait que je vais aller rapidement parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai Dave qui dit que son meilleur souvenir, c'est Diddy Kong Racing. Puis Banjo-Kazooie. Et Paper Mario 64 aussi. Diddy Kong, c'est très bon. Banjo-Kazooie, c'est un bon jeu. C'est pas ce qui est le meilleur. Mais oui, il est bon. Puis Mario, Paper Mario, je pense que c'est un must à avoir. T'as Paraplégué qui dit que rien ne vaut une petite session de Crash Bandicoot. Elle marche pas, c'est pas sa bonne console. Sinon, il y a GoldenEye qui revient. Ben oui. Sinon... Je cherche des nouveaux jeux. Les jeux Pokémon sur la 64. Mario Kart 64, comme j'ai parlé, Ocarina of Times. Il y a Dortan qui parle de Killer Instinct. Oui. Killer Instinct Gold. Oui, ça c'est un jeu que je vais avoir à un moment donné. Puis, Paraplay qui dit encore Chrono Trigger. Ouais, mais c'est seulement sur PlayStation. Exact. Ouais, c'est pas sur Nintendo 64. Tara, on parle pas de la PlayStation, on parle de la 64, mon ami. À moins qu'en France, il l'ait eu, là. Non, je pense pas. Excusez-moi, Chrono Trigger, c'est vrai, c'est Super Nintendo aussi. C'est mon erreur. Mais c'est pas sa 64. Ouais, on peut... toujours pas sa 64. Moi, je vais... Excusez-moi. Je vois en ce moment que Jérusie dit que sa déception, c'est les jeux de sport. Surtout les jeux de la NBA. Je te dirais que oui, NBA Jam, il est plate là-dessus. Non, mais les jeux de sport, c'est décevant, peu importe la console. Oh, excusez, j'aime pas les jeux de sport. Non, mais c'est clair, hein, on s'entend. Là. À moins d'être un fan fini des sports, on s'entend que c'est... Les jeux de sport, c'est tous ceux qui se ramassent d'un rack à jeux à 5$ que les magasins savent pas quoi faire. 5$, c'est cher? Ouais, ok, excuse-moi. Il y avait 99 cents. C'est, voilà. MLB 2003, 99 cents. Eh, ben bon. Je te dirais que je suis pas mal de vos avis là-dessus. On va parler d'abord de la console. Êtes-vous déçu qu'il n'y ait pas eu un lecteur CD là-dessus? Non. Non. Qui la distinguait et qui rendait la compétition entre Nintendo et Sony intéressant. C'est le fait que ça. Oui, t'avais une compétition avec deux plateformes différentes, mais tu pouvais à ce moment-là voir, c'est intéressant de voir où que l'évolution allait mener prochainement après ça. C'est quoi après? Qu'est-ce que les deux consoles pourraient s'offrir? Il y avait tellement d'ouverture à ce moment-là que c'était un bon temps pour être un gamer, ironiquement. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir trouvé des jeux qu'on retrouvait sur, par exemple, sur Super Nintendo, comme Final Fantasy, des Mega Man qu'on ne retrouvait plus, qui étaient rendus sur PlayStation? Est-ce que ça vous a fait de quoi? Mais t'avais quand même... Diane, sur 64. Moi, j'ai skippé la génération, fait que j'ai rembarqué dans le rétro gaming en 2004, j'ai embarqué avec les deux. Pour moi, ça n'a pas eu d'impact. Il y a un Mega Man au 64, mais c'est tout un nouveau genre. Là. Mais c'est Mega Man Legends, je pense. C'est un port de celle de PlayStation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est celui-là, ouais. C'est juste pas comme ceux qu'on a appris à aimer avec le Nintendo. Non, c'est une autre série. Malheureusement. Moi, j'ai été très très déçu. À l'époque, je venais de découvrir les RPG et je n'avais juste qu'une 64. Et lorsque je voyais Final Fantasy VII, j'étais comme « Wow, ça a l'air malade. » J'étais comme « Ah, pas PlayStation. Ah. » Ça a pris comme quasiment un an avant que je puisse y jouer, là. Fait que pas ça de m'a... Final Fantasy, pas de Dragon Quest, pas de... Voilà. Non, c'était dommage. Parlons de la manette. Assez un modèle différent de la plupart des autres consoles. On parle d'une manette qui est faite en forme de trident. Assez étrange. Un batarin, si on voulait. Ouais, un peu. Est-ce que vous voyez des bonnes choses avant? La première chose, est-ce que vous avez des choses que vous aimez sur cette manette-là? Moi, j'ai pas peur de dire que je la trouve quand même confortable. Quand tu l'as dans ta main, c'est confortable. Bon, tu sais, on s'entend, là. Le joystick fait chier, puis après 10 minutes, t'as plus de pouce, là. Mais le reste, quand tu la tiens dans tes mains, elle tient bien, tu sais. T'as de la grippe dessus, c'est pas comme la bonne vieille manette de Nintendo. Mais tu trouves pas qu'elle tient bizarre? Si tu tiens par la queue, puis côté, c'est comme... T'es fucking bizarre, toi, tu sais. Mais non, c'est bizarre qu'il y avait un passé croche, pas moi, là. Il y en a un qui a passé croche en Titi, en tout cas. Ouais, je suis pas mal rouge en ce moment. Si vous me regardez live, là, je suis rouge. Fuchsia. Mais, non, je te dis, je suis... À moitié d'accord d'accord avec toi. C'est, la manette est confortable pour certains jeux. Je pense à Zelda, je pense que la manette est parfaite. Elle est bien designée. Sauf, je pense qu'on est tous d'accord sur une chose, la croix, elle sert à rien. Quoi, ouais, cette, là? C'est juste servi dans un jeu, ça. Killer Instinct, ça se peut-tu? C'est tout. Même pas. Non, même pas. Il y a un bout de trop, tu sais, on peut tout elle faire prend la ça. Poussière, qu'est-ce que tu peux? Dans 64, ben, à Super Mario 64, ta caméra, c'était ta croix, justement. Non. C'est pour ça que non, c'est piton jaune. C'est bouton C. Oh. Ouais, c'est bouton C. C'est pour ça que t'as pas aimé le jeu. T'as pas capable de faire fonctionner ta caméra. Ça marchait. C'est un moment de voir. Le gars, il pèse sa croix, ça marche pas avec la caméra. Bon. Antithèse, samedi, tu t'en viens chez nous, je vais te faire embarquer sur la manette. Cours 64, ok? On n'aura pas le temps. On va avoir le temps après. On a amplement le temps. On s'en parlera. C'est bon. Bon, il y a une place qui est vraiment bon. Elle sert à rien à la croix. On s'entend là-dessus. Mais la manette avait quelque chose de plus que avait pas la PlayStation. Et c'est ici, en dessous. Ouais. On avait une fente pour carte mémoire, mais également pour le Rumble Pack, qui était une nouveauté que aucune autre console avait proposée auparavant. Et qui, je vous rappelle, c'était fucking hot à l'époque. Pourquoi j'entends des tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic? C'est parce que je cherche sur Internet savoir s'il n'y a pas un jeu qui utilisait le D-pad. Ah, ok. Non, c'est ça, c'est la console offrait le Rumble Pack en achetant le jeu StarCraft, Star Fox 64. Et, oh my god, que j'ai eu du fun. Le jeu était vraiment fait avec le Rumble Pack, puis ça coûtait cher de batterie. Mais on avait du fun en maudit, surtout en jouant à GoldenEye. Ça rendait la manette comme quasiment 2 livres de plus, parce que, bon, c'est quasiment une garnotte que tu attaches en dessous de la manette. Mais c'était quand même révolutionnaire. Et après ça, ben, PlayStation ont copié. Et depuis ce temps-là, on en a partout dans nos manettes des Rumble. Alors, faut dire que Nintendo, faut au moins leur donner ça. Ils ont cette idée-là, puis ça a permis aux nouvelles générations d'avoir un Rumble dans les manettes. Sinon, à part ça, côté jeu, on va parler de nos jeux préférés. Mon jeu préféré, je pense que je vais commencer avec Marie. Tiens. Marie, tes jeux préférés à toi? Mario Kart 64, sans hésiter. Je suis capable de battre Big Ben à Mario 64, là. C'est hot, là. Mm-hmm. Ouais, elle m'a planté tantôt parce qu'on a fait. Là, j'ai branché ma manette. Ma console, comme vous pouvez voir, un petit peu en arrière de Marie. On a branché la 64 et la télé. Alors, on s'est mis à jouer, puis elle m'a planté à Mario Kart 64. Oui. Mais les filles sont bonnes à Mario Kart. C'est vrai qu'elle est bonne. Elle est vraiment bonne, Marie. Ah, ben, miss. Ou bien, tu es bonne à quelque chose. Hey! Comment Fantas- provoquer? Comment manger une claque au Comic Con? Ouais, ma blonde va sûrement m'en crisser une tantôt parce qu'elle écoute le podcast. Alors, toi, antithèse, tes jeux préférés sur 64? Répète la question. Tes jeux préférés sur la 64, c'est quoi? Oh my god. J'ai testé le port de Resident Evil 2 sur 64. J'ai jamais essayé. Je suis en train de faire un test pour. GoldenEye 64 est effectivement le jeu à jouer sur 64, selon moi. Perfect Dark? Pas mal le tour. Vous souvenez-vous que Resident Evil 0 était censé sortir sur 64 au début? Oui, monsieur, j'ai même vu des screenshots, j'ai même vu des... Ben, j'ai même vu... Je pense qu'on a tous vu ici des... même des gameplays. Ouais. C'était très, très différent. Mm. Bon, oui, on voit que Capcom n'a pas abandonné le projet. Non, c'est un fait. Puis ils l'ont mis avec les graphiques du remake de 1. Fait que ça a donné un très bon jeu. Il est bon, le Resident Evil 0 sur GameCube. Je vais y aller avec Sylvain. Tes jeux préférés sur 64? Old Battle 64. Ouh. Le même jeu que tu t'es parti. Puis Killer Instinct Gold. Ok. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu ces deux jeux-là? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a joué à Ogre Battle. Ben, ceux qui connaissent la série Ogre Battle, il y en avait un sur le Super Nintendo. Pour ça, c'est allé vers PlayStation. C'était bien Ogre Battle sur SNES, je pense. Je pense que oui. Ben, dans le fond, c'est un jeu de stratégie où tu contrôles des armées et que tu les envoies dans des villes pour saisir des villes, etc. Et tu combats avec des monstres puis des personnages que tu levels puis que tu équipes. Là, c'est ce que moi, j'appelle les précurseurs des jeux comme la style Final Fantasy Tactics, etc. Là, c'est à peu près ça. Là. OK. Tester, toi, tes jeux préférés sur 64? Je commence tout de suite avec GoldenEye. Il y avait tout de quasiment parfait dans ce jeu-là. Sinon, je vais dire Mario Kart, Diddy Kong Racing, puis Super Mario 64. C'était juste du bonheur en bas, ces jeux-là. Est-ce que tu as essayé GoldenEye dernièrement? Dernièrement, non. Non. Tu m'en donneras des nouvelles sur le gameplay. J'ai essayé de rejouer, puis je vous avoue, je sais pas si c'est parce que je suis habitué aux nouveaux contrôles, mais j'ai tellement l'impression que les contrôles sont plus stiff. Non, mais ça se peut, là. Ce serait pas trop étonnant, là, avec le joystick de marbre qu'il y a là-dessus. T'as bien raison. j'avoue que ça a dû. Il a fallu que je change le style de gameplay pour ce qui est de GoldenEye. C'est quand même un très bon jeu. C'est quelque chose que j'ai adoré puis que j'aime encore jouer. Mais je vous avoue que il est plus dans mon top premier parce que j'ai l'impression que je sais pas si c'est à cause que à ce temps je suis rendu habitué à jouer à des nouvelles consoles, mais j'ai l'impression que c'est tellement lent se tourner de bord puis essayer d'aller tuer un gars. Je trouvais ça lent. Fait que j'ai fait. Que finalement, j'ai placé mes gameplay en fonction que je pouvais bouger avec les C puis juste faire le mouvement avec le stick pour viser. Ce qui donne un style différent, mais ça se fait bien. Sinon, à part ça, Zelda. Zelda 64, c'est un de mes jeux préférés. Je pense que ça va être dans mon top 10 de mes jeux préférés. Majora's Mask également, c'est un excellent jeu. Perfect Dark aussi, il est bon. J'aime bien Perfect Dark. Qui était un des jeux de 64 de partie tiers qui a connu le. Non! C'est Rare! C'est Rare qui l'avait fait le jeu, fait que. C'était censé, de ce que je lisais sur Wikipédia, donc faut pas trop croire. Mais il disait que c'était censé être le GoldenEye 2, mais finalement, ils ont fait comme on va faire d'autres choses finalement. Ça donnait Perfect Dark. Puis sinon, Conquer Bad Fur Day, qui est pour moi mon jeu de plateforme préféré, ever, juste par l'humour irrévérencieux. Taille l'aime pas. Ça se peut. On aime ou on déteste, mais le jeu était, pour moi, un jeune adulte. Quand je l'ai eu, je capotais avec toutes les références de films pis de jokes qui ont sorti. Oui, ça avait des jokes de mal pis de pipi, mais je m'en foutais, c'était drôle. Oh! Juste l'achat où t'es dans un bar pis faut que tu pisses sur le monde pour qu'il puisse sortir du bar et aller tourner en boule pis les faire rouler. Je riais, moi, là. T'arrives sur un bouton, tu bois de la bière à tour de bras, là, tu marches super sous, là, tu vois un bonhomme, tu commences à pisser dessus pour qu'il avance. C'est que tu t'as jamais fait auparavant, là. Fait que, c'était quelque chose à l'époque, là. Conquer Bad Fur Day. Ils ont fait un remake sur Xbox ordinaire. Si vous êtes capable de le trouver, elle est là. Parce que sinon, la cassette, elle vaut très cher à Star Conquer Bad Fur Day. Je pense qu'elle est rendue. J'ai checké sur Lucky Game. Je pense qu'il vend comme 110$ la cassette. Ouais. Mm-hmm. Ouais, la même. Sur eBay, si t'es chanceux, t'as trouvé à 80$, là. Mais, c'est pas en bas de ça, certain. Puis, vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec ces licences-là de Rare, ben ça m'étonnerait que vous leur fassiez ramener. Avec Microsoft qui détruit ce studio-là. Alors, finalement, attendez-vous pas à revoir ce jeu-là pour un bout. Mais c'est un excellent jeu 64 si jamais vous en avez la chance. Dernier tour avec nos fans sur YouTube et sur Twitter. Qu'est-ce que ça dit en ce moment? Sur Twitter, écoutez, j'aimerais faire appel aux accros, justement. Ty a une affirmation qui moi, j'aimerais tourner en question. il dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite avec Perfect Dark. Mais il n'y a pas eu une suite, justement, genre Perfect Dark Zero, une affaire de mal. Ouais, ça, c'est quelque chose. Ouais, Perfect Dark Zero, que tu peux trouver à 5$ chez Vidéotron. Ok, qu'on veut déjà? Xbox 360. Merci. Puis je pensais tout, t'avais un autre Perfect Dark, je pense. Non. Ils ont fait un remake sur 360 du premier. Ah ouais, sur Xbox Live, ouais. Ouais, tu peux l'acheter en téléchargement. Je l'ai pas joué à celui-là. Moi, j'ai juste joué à la version originale. J'ai pas joué à la version Perfect Dark Zero. Parce que à 5$, ça fait comme achète-moi, mais tu vas avoir du mauvais temps. Alors, toi, Marie-Lune, de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de réactions en rapport avec la croix. Parce que plusieurs disent que la croix a servi à certains jeux, en effet. Oui, ça se peut, oui. Resident Evil 2, entre autres, pour Pokémon, pour le transfert pack, pour Dr. Mario. Killer Instinct Gold, finalement, j'ai vérifié. Ça joue mieux avec la croix, ça. À part de ça... Il y en a plusieurs, là, je n'aimerais pas toutes parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On a... Désolé, c'est long. J'y ai beaucoup. Pas de problème. Il y a beaucoup de monde qui ont jasé entre-temps, c'est vraiment cool de vous voir que vous avez énormément jasé. Je sais pas si j'ai dit ton nom comme il faut. Il y a TJ55 qui dit que je trouve que Zelda Majora's Mask est plus original que Ocarina of Time, mais pas meilleur. Le jeu est très original, sérieusement. C'est moi, je suis content que ce projet-là était au début censé être une sorte d'expansion à Zelda 64. Puis finalement, ils ont fait un jeu complet. Puis je suis très content qu'avec le peu de temps et le peu de moyens, ils ont réussi à sortir un très bon jeu sur 64. J'adore l'idée. J'adore voir qu'on est à l'extérieur des rues. Qu'on fasse d'autres choses avec Link, je trouve que c'est une très bonne idée, sérieusement. Il y a Dortan qui nous dit que c'est le côté multiplayer de GoldenEye qui a fait qu'il était aussi populaire que ça sur la 64. Je suis quand même d'accord. Le côté multiplayer était excellent, mais n'empêche pas que le côté single player, t'avais tellement de contenu là, que... c'était génial. Là. Puis juste le plaisir d'essayer de débarrer les cheats dans GoldenEye en single player, c'était génial. Ça. Ouais. Kevin, tu nous parles beaucoup de Pokémon 64 Stadium. Oui, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là sur la 64. C'était un. Je trouvais ça cool que tu pouvais jouer à plusieurs et faire affronter tes Pokémon. De ton chum, puis de le voir comme en trois dimensions, voir l'attaque, c'était bien fait, puis de pouvoir jouer également la game sur Game Boy. Quoique je trouvais ça plate qu'il n'ait pas sorti un Super Game Boy sur le 64. Puis le pire, c'est que, je sais pas si vous connaissez l'émission Video and Arcade, qui était sur White TV. Ça fait longtemps. Puis il y en avait des cassettes comme ça. M'en ai-moi pas comment qu'ils avaient eu. Mais ils jouaient des jeux de Game Boy sur 64, parce que tu vois des 64 allumés avec une cassette dedans. Donc, je trouvais ça plate que Nintendo ait jamais sorti cette cassette-là pour jouer des games, mettons, de Super Game Boy. De Game Boy, j'aurais voulu jouer des jeux de Game Boy Color, mettons. Sinon, à part ça, y a-tu d'autres choses, Marie? Y a d'autres monde qui nous jase? Dortan, il passe beaucoup. Merci beaucoup, Dortan. Puis il dit que... il nous demande si on se rappelle de Pokémon Snap. Oui. Il dit qu'il capotait ce jeu-là dans les Pokémon dans ce temps-là. Faut dire que c'est quand même original comme principe, là. On peut leur donner ça. Moi, je le connais pas, fait je veux pas en parler comme tel. À l'origine, genre un safari, mais de Pokémon. C'est ça. L'idée est intéressante, pareil. Moi, je tripais pas parce que moi, je voulais capturer des Pokémon et les faire attaquer. C'était ça, moi, mon trip. Mais à y rejouer en ce moment, je pense que j'aurais du fun. C'était pause pour dire que ton truc pour le Game Boy Color pour le Nintendo 64. Ouais. Ça s'appelle le White Boy 64. Et c'était sorti seulement pour les développeurs et la presse. OK. Eh bien. Merci beaucoup. C'est ça. Ah ben. Ça coûtait 1400$ US. Au! Bobo! Ok, on peut continuer maintenant. Ah, on a perdu Ben. Excusez-moi, j'ai... Il n'est pas son micro! Pour ceux qui comprennent pas pourquoi, c'est parce que moi et Marie, on doit switcher le micro avec un bouton pour pas qu'on entende en écho. Fait qu'à cause de ça, des fois, j'oublie. Puis Marie aussi, elle oublie. Fait que ça nous arrive souvent. Sinon, à part ça, on a aussi des jeux comme... attendez une minute, ça sera pas très long. J'ai perdu mon fil. Ah, voyez-vous, Dortan dit que si Nintendo avait offert un Media CD une qualité plus ou moins équivalente à celui de la PlayStation 1, Sony n'aurait probablement pas eu autant de force que ça. J'avoue que les développeurs étaient avec Nintendo auparavant, donc probablement qu'ils auraient continué, mais c'est vraiment le support cassette qui a fait mal à cette console-là. Ça ouais, a été un... Parce que je pense que même Shigeru Miyamoto avait dit que le cartridge allait rester le médium principal des jeux vidéo dans l'avenir. Il peut pas toujours avoir raison. Mais il y a demi-raison. Raison, parce que les consoles portables ont à peu près ça encore, là. Oui, ça c'est sûr. Mais, même Sony s'en va dans une autre direction, là. Même Sony a switché de CD avec ses UMDs pour des cartouches, ça vit tout. J'avoue. D'autres choses, Marie? Oui, on nous dit que Paper Mario... nous demande si Paper Mario est sorti pour la première fois sur la 64. Ça, je peux pas le dire. Oui. Oui? Oui, c'était la réponse à Nintendo pour dire on est capable de sortir des jeux RPG parce que dans le temps, Square venait de crisser le camp. Et ben, Nintendo se retrouvait avec pas de jeux RPG. Fait qu'ils ont décidé de faire Paper Mario. Puis c'est sûr que ça a été difficile pour ce jeu-là parce que, veux pas, il est successeur du grand Super Mario RPG. Qui est pour moi un de mes jeux Mario préférés. Mais c'est quand même un bon jeu pareil. Sinon, à part ça, on m'a dit. Monsieur Touf dit que Duke Nukem, c'était quand même un bon jeu. J'avoue que j'ai passé du temps à Duke Nukem. Alors, non, j'ai bien aimé ça. Il était aussi vulgaire en 64 que. Qu'il est à l'habitude de Duke Nukem, ou ouais, il était tame, un peu comme dans les... Il parlait beaucoup moins, à mon souvenir, il me semble qu'il parlait beaucoup moins. Il y avait des commentaires, mais il donnait pas autant que la version PC ou la version sur Game Boy. Pas Game Boy, mais... ouais. Fait que c'est ça. Puis Samuel Saint-Arnaud dit que lui, ce qu'il a jamais aimé, c'est la manette à trois manches. Oui, on est totalement d'accord avec toi. Ça n'a pas servi. C'était bizarre, mais bon. C'est quand même la marque de commerce un peu de la 64. Faut s'attendre là-dessus. En gros, finalement, je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une très bonne console, une bonne console ou c'est une mauvaise console? Console qui a vu son potentiel dégénérer rapidement. En raison quand même d'une forte compétition puis d'une perte de la loyauté de certains troisième parties pas troisième partie mais de parties tierces. En revanche, on a quand même des classiques qui sont encore joués aujourd'hui en les GoldenEye et les Ocarina of Time sur cette console là. Si c'est pas cette console là, c'est pas qu'on a eu des versions 3D qu'on connaît aujourd'hui de certains jeux. Faut quand même donner à la 64 son crédit d'avoir essayé, échoué plus que réussir, mais pour les Nintendo, c'est quand même une évolution importante, je pense. Sylvain, toi? Ben, je pense comme antithèse là-dessus, je pense que ça a été une évolution importante pour Nintendo, puis ça l'a lancé, je pense, plus que le PlayStation, je pense que c'est ça qui a lancé plus les vrais jeux 3D, là, style platformer comme Mario, puis Mario 64, puis les jeux d'aventure comme Zelda, etc. Je pense que c'est ça qui les a plus lancés. Tester? Moi, je trouve que c'est une excellente console. Faut dire que Nintendo est en retard parce qu'il est en train de travailler sur leur maudit Virtual Boy qui... Oups. Oups, on a perdu Tester. Oh non! Je vais assumer que ta sœur voulait dire. Ok, parce qu'il a dit le mot interdit, Virtual Boy. Non, mais. Attention, tu vas perdre ton fil, faut pas que. Normal, je pense. Alors, parlez pas en mal de la Virtual Boy, ça va vous faire kicker dehors. Et c'est pas moi qui ai touché à rien. Ça serait pas. Ah non, écoute, c'est de la vraie merde, cette console-là. Excusez-moi, là, mais c'est vrai, Virtual Boy. J'en ai pas, puis j'ai essayé comme 2-3 fois, puis j'avais mal aux yeux à la fin. Fait que. Ouais, mais. C'était une très mauvaise console. Moi, j'en ai jamais vu une, de ma vie. Non, c'est parce que tu sortais d'un bar dans ce temps-là. Probablement, ouais. Je préférais les filles. Ouais. Marilyn, toi, qu'est-ce que tu penses de cette console-là en attendant que Tester revienne? Ben, c'est une bonne console. C'est sûr, j'aurais aimé plus pouvoir l'expérimenter avec plus de jeux différents, là. Mais, selon moi, c'est une pas pire de console. J'irais, mais c'est vrai que ça a fait une très belle évolution pour Nintendo au niveau de leurs jeux, là. Passer du 2D à la 3D, là, c'était un gros move qu'ils faisaient à ce moment-là, là. Donc, c'est une bonne console que j'aimerais plus découvrir, c'est vrai. Alors, Tester, tu viens de découvrir qu'il faut pas que tu parles en mal de la Virtual Boy, car Google te crisse dehors. Ça a pas d'allure. Okay, il nous watchait depuis le début. C'est où que j'ai découpé, là, finalement? Tu disais que la Virtual Boy, et puis là, ça a coupé. Ok, bon. Colin, faut que je recommence mon speech. Je disais là que Nintendo il travaillait sa Virtual Boy, puis quand ils l'ont sorti, ça a fait un flop monumental. Puis bon, on comprend pourquoi là, c'est vrai que c'est de la cochonnerie. Mais au Japon, la PlayStation 1 est sortie presque 2 ans avant la Nintendo 64. Fait qu'on comprend que Nintendo, tu sais, il était pressé de sortir la 64, fallait qu'elle sorte relativement vite. Pour pas manquer le train, là, tu sais, si vous me permettez l'expression. Mais en tout cas, oui. Dans les délais qu'ils avaient, produire une console comme ça, avec des classiques aussi amusants que ça, pour moi, dans mon esprit, c'est une réussite totale. J'ai pas peur de le dire. Je trouve que c'est une excellente console. Pour le temps qu'il y avait, puis voilà. C'est ça. De mon côté, j'ai un très bon souvenir de la console et lorsque j'ai pu y jouer, j'ai encore découvert les mêmes feelings que j'avais auparavant. C'est des très bons, une très bonne console de bord. Oui, la manette, c'est de la merde. Oui, attendez-vous à changer les joysticks ou d'acheter une nouvelle manette souvent parce que les joysticks sont vraiment faits de merde. Mais pour le reste, les jeux, vous devez les chercher pour les trouver. Trouver les bons jeux, finalement. Parce que oui, il y a beaucoup de marde dans cette console-là, parce que ils ont sorti énormément de Reddit, de jeux qui étaient déjà sur le PC auparavant, puis ils ont sorti ça directement sur sa console. Ça n'a pas toujours bien marché. Mais il y a des excellents titres. Allez chercher au moins tous les jeux de Nintendo puis de Rare. Comme ça, vous êtes sûr et assuré d'avoir trouvé des excellents jeux là-dessus. Sinon, à part ça, essayez de vous trouver des accessoires. Le Rumble Pack, ça vaut à peine, sérieusement. Ça se vend 2$ dans les pawn shops. Allez vous en chercher un Rumble Pack pour votre manette. Vous allez en avoir pour votre argent, pareil. C'est vraiment cool le feeling qu'il y avait à l'époque d'avoir un Rumble Pack. Turok, je vous conseille fortement d'en avoir également des Turok. Moi, j'ai bien aimé. Je vois la face de Sylvain qui fait comme... Mais moi, j'ai bien aimé Turok. Alors, là-dessus, écoutez... Ça vaut à peine. C'est une console rétro qui est pas chère. Ça se vend 30$ dans la plupart des magasins. Donc, achetez-en une. Testez-la avant parce que je vous avertis, les 64, je vous avoue que pendant trouver un 64 qui marche vraiment top shape, c'est dur à en trouver. Ça va vous prendre 2-3 shots. Magasinez votre 64, mais lorsque vous allez en avoir un, ça va super bien marcher. Il n'y aura pas problème. Puis, venez-nous au courant. Si vous achetez un 64 ou bien si vous avez joué à des jeux 64, laissez-nous un commentaire. Parlez-nous de votre expérience de la 64. Qu'est-ce que vous avez aimé? Parlez-nous de vos jeux préférés, de vos jeux que vous avez moins. Est-ce que vous aimez ou vous détestez la manette? Allez-y, laissez-nous ça en commentaire. On adore ça. là-dessus. Je pense que ça finit notre podcast. Merci à tout le monde qui était sur notre... à jaser avec nous autres. On a eu un record d'achalandage ce soir. C'est vraiment cool. Énormément de monde. Vraiment beaucoup de monde. Hey, merci, hein, la gang. Marilyn, je te laisse faire les salutations à tout le monde. Je pense qu'on va les saluer, chacun. Alors, je te laisse y aller. OK. Il y a du monde en cité. Il y a Dortan qui était là. Il y a Kevin Noireau, si je ne me trompe pas. Dave Bissaillon-Forêt qui était là. Merci d'avoir participé à la conversation. Monsieur Touf-Touf, j'adore ton nick. Samuel Saint-Arnaud. Lloyd Wolfwood, salut à toi. Sinon, je cherche. Jirozy. Oui. Merci, Jirozy. Merci. TJ55 aussi. Oui, on a... Attends, je cherche encore, voyons. Notre ami français, je cherche ton nick. Paraplégique. Paraplégique, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que tu as un autre nom, je pense que c'est pas de Lulle. Son nom à lui, c'est Dial, c'est parce qu'ils sont plusieurs à s'occuper de Paraplégique. C'est lui, c'est Dial son nom. D'accord. Ben salut Dial. Merci beaucoup. Il y a aussi Lord Dread 86. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il était là, donc merci beaucoup. Allô, Seb. Et je pense à... Et il y a Philippe Saint-Jean aussi qui était là. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci, Thaï. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. C'est vraiment cool que vous venez nous rencontrer les lundis soirs. Vous prenez du temps avec nous autres. Il y a un autre gros podcast qui est en même temps que nous autres qui s'appelle Radio Talbot. Et ça a l'air que vous décidez de passer du temps avec nous autres à la place. C'est vraiment cool de votre part. On voit votre appréciation du podcast. D'ici là, si ça vous tente de venir nous voir, il y a plusieurs moyens de nous voir. Tout d'abord, je pense en premier tout, si vous voulez nous voir 4 sur 5 geeks ici, c'est le Geekfest en fin de semaine. Donc, samedi, venez nous voir. On est là à partir de 10h. Probablement à 10h, on va être dans la file d'attente, mais après ça, on va se promener un peu partout. Amenez votre cadac, venez prendre des photos avec nous autres. Si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on signe, on va signer, ça va nous faire plaisir. Sinon, Tester va avoir sa propre table avec Tester Beta et Lambda qui vont être présents aussi, je pense. Hein? Lambda ne sera pas là, mais Beta va être là toute la journée. Alors, c'est cool. Vous allez pouvoir les voir. Sinon, entre-temps, comment qu'on peut te rejoindre? On commence avec PL. Oui. Oui, allô? Hein, quoi? Oui. Vas-y, PL. Dis-nous comment qu'on peut te rejoindre sur les internets. Comme, bien sûr, on peut toujours me rejoindre sur par email sur Antithèse, c'est antithese@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre sur Twitter sur Antithèse16SY, mais, et je le dis, je le répète, et ça fait plaisir de le dire, de le répéter, la meilleure façon de me rejoindre pour les accros, c'est sur le forum d'accrodesjeux.com/forum. Rétro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon, la seule et unique façon maintenant de me rejoindre, bon, c'est pas vrai, là, mais la meilleure façon, c'est sur le site des accros, dans le forum. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? Facebook, Twitter, YouTube, vous tapez Tester Alpha, en principe, je suis le seul qui sort. N'hésitez pas à m'écrire un petit courriel en privé sur un de ces trois sites-là. Sinon, bien entendu, je fais mon tour quotidiennement sur le forum des accros des jeux. Marie-Lune, comment on te rejoindre? Comme tout le monde ici, sur le forum d'accrodesjeux.com, on peut me rejoindre aussi sur ma nouvelle page Facebook de Marie-Lune d'accros des jeux. Mm-hmm. Je vous invite à aller vous mettre à jour là-dessus parce que je vais faire plus d'updates là-dessus, je vous dirai. Sinon, par courriel, vlog de Marie-Lune en un mot, à commercial@gmail.com. Puis, c'est pas mal ça. Et sur Twitter aussi, si ça vous tente de venir me jaser. Je suis pas souvent là, mais je suis quand même là. Donc, c'est pas mal ça. De mon côté, si vous voulez me contacter, il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le Twitter des Accros des Jeux, c'est moi qui le contrôle, c'est à commercial Accros des Jeux. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Le forum, j'y suis à tous les jours, je fais du ménage à tous les jours parce que le robot, en ce moment, il est en train d'en petite pause, alors je m'occupe du forum aussi fort que lui. Et il travaille fort, le robot. Il travaille fort, le robot, fait que des fois, il manque 2-3 affaires. Fait que je m'en occupe, je vais nettoyer en arrière. Et sinon, ben j'ai mis une photo de ma collection de jeux, si jamais ça vous tente d'aller voir dans la section collection. J'ai laissé une petite photo. C'est une photo agace, on voit rien en fait. On voit juste des boîtes au loin. Là. Parce que je suis en train de préparer un concept de vidéo avec un de nos collègues ici présent et il va m'aider à faire la présentation de ma collection. Mais d'ici là, c'est le meilleur moyen de pouvoir me contacter si jamais vous avez envie de me jaser. La seule chose, Facebook, je reçois des invitations parce qu'il y a des amis de Testeur Alpha qui me voient dans ses amis. Il fait comme « Ah, je veux devenir ton ami. » Et non, faut que je te connaisse dans la vraie vie. Il faut au moins que je t'aille rencontrer une fois. Puis tu t'as de l'air sympathique puis tu n'as pas envie de m'enlever. Alors là-dessus, même les madames qui ont 18 ans avec le col décolleté qui s'appelle Alexandra, touche-moi pas. Non. Je suis pas ami avec toi sur Facebook. Venez voir Ben au GeekFest en fin de semaine. Parlez-y 10 minutes, puis ensuite ajoutez-le à Facebook. C'est ça. C'est déjà un petit lien qu'on peut avoir. D'ici là. Hein? Qu'est-ce que tu piennes? C'est vrai le pire. Ah oui, totalement. Fait que d'ici là, merci beaucoup de nous avoir suivis pour le podcast des accros. Restez sur le site des accros des jeux les prochains jours. Il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent prochainement. D'ici là, c'était Big Ben. C'était Antithèse. Rétro Gamer PQ. Marilyn. Et Testeur Alpha. Pour le podcast des accros, merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine. Bye. Bye tout le monde. Bye.